إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous en sommes au troisième cours, au cours numéro 3, des explications des quatre règles du Cheikh Saleh Al-Sheikh Hafidahullah, concernant le matin, le texte des quatre règles de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab Rahimahullah. Et nous étions arrêtés la semaine passée sur le verset de Sourate Az-Zukhruf, que nous avons dit, et bien que nous utilisons ce verset-là notamment pour l'explication des deux attestations de foi, de la ilaha illallah, de l'attestation de foi de la ilaha illallah. Lorsqu'on lit ce verset-là de Sourate Az-Zukhruf, les versets 26 et 27 de Sourate Az-Zukhruf, ce qu'Allah Azza wa Jal dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Ce verset-là, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, dans la traduction du sens du verset, je désavoue totalement ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Et donc on avait vu la semaine passée, barakallahu fikum, je désavoue totalement ce que vous adorez, ceci correspond à la partie dans la première attestation de foi qui est la ilah. La ilah, ça correspond à cette partie-là du verset, c'est-à-dire du verset 26 de Sourate Az-Zukhruf. Je désavoue totalement ce que vous adorez. Innani bara'un mimma ta'budun. Ceci c'est la ilah. D'accord ? C'est le désaveu de tout ce qui est adoré. Et la ilah, on avait vu, et on le répète constamment, c'est que l'ilah, c'est ce qui est adoré, c'est le ma'boud. Parce que alaha, c'est un synonyme de abada. Donc l'ilah ou al-ma'boud, c'est ce qui est adoré. Donc lorsqu'on dit la ilah, eh bien ça veut dire qu'on se désavoue, de toute adoration qui est vouée. On se désavoue de toute adoration. Et on comprend de quel type d'adoration qu'on se désavoue, toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Parce que c'est ensuite, on lit illallah, lorsqu'on prononce illallah, la deuxième partie de la shahada, excepté Allah. Donc, de quoi on se désavoue en fait? On se désavoue de l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Et donc, ce n'est pas ce que les égarés disent, il n'y a de Dieu que Dieu. Ceci ne veut strictement rien dire du tout. D'accord ? Ceci ne veut strictement rien dire du tout. Car il y a d'autres qui ont certaines ambiguïtés qui pensent que la ilaha illallah, c'est le fait de renier l'existence d'autres divinités en dehors d'Allah. Et ceci est également faux et incorrect. On ne renie pas qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc il faut bien comprendre ce point-là qui est essentiel et qui est très important. La ilaha illallah. Lorsqu'on dit la ilaha illallah, ça ne veut pas dire qu'on renie qu'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah. Ça c'est faux et ça c'est incorrect. D'accord ? Lorsqu'on dit la ilaha, ça veut dire qu'on renie l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Et comme on le sait très bien, c'est qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah parce qu'Allah Azza wa Jal lui-même subhanahu wa ta'ala a nommé ces choses-là comme étant des divinités. Il les a nommées divinités dans le Coran. On peut le lire dans Sourate Al-Isra. Sourate Al-Isra, dans les versets 22-23, où Allah Azza wa Jal dit: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdhula. N'assigne, dans la traduction du sens du verset, n'assigne point à Allah d'autres divinités. Allah Azza wa Jal les a nommées divinités. Sinon, tu te trouveras méprisé et abandonné. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. J'insiste sur ce point-là, car à l'époque, il y avait un frère qui m'avait fait cette remarque-là, en me disant que lui, il n'accepte pas de dire qu'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah. Yani, subhanallah. Mais je lui dis, mais Allah Azza wa Jal les a nommés divinités, akhi. Il les a nommés divinités. Il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Ce que nous, on n'admet pas, et ce que nous, on refuse, c'est l'adoration qui est vouée à ces divinités-là. Divinités, pourquoi ce sont des divinités? Car les gens les ont rendues au stade de divinité comment? Eh bien, en les adorant. Puisqu'on se rappelle, « El-Ilah ou al-Ma'boud »« El-Aha » synonyme de « Abada ». Si tu adores, si tu, yani la divinité, c'est ce qui est adoré. Personne ne peut nier que d'autres choses sont adorées en dehors d'Allah sur terre. Il y a des gens qui adorent le soleil, il y a des gens qui adorent la lune, il y a des gens qui adorent les étoiles, il y a des gens qui adorent des animaux, les vaches en Inde, ou les rats, ou les serpents, ou les pumas en Amérique du Sud, etc. Les gens qui adorent le soleil, comme les Incas, etc. Les gens qui adorent yani Bouddha, ou qui adorent des statues, ou qui adorent des croix, ou qui adorent des prophètes, eh bien, tout cela, ce sont des divinités. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont mis à les adorer. Donc, on ne renie pas l'existence d'autres divinités en dehors d'Allah. D'accord? Cependant, on dit que ce sont des fausses divinités, comme on va le voir. Pourquoi ce sont des fausses divinités? Car le seul créateur étant Allah Azza wa Jal, eh bien, sachant que lui, c'est l'unique et seul créateur, eh bien, en dehors d'Allah, tout est créature. Donc, en dehors de lui, rien ne mérite l'adoration. En toute vérité. Mais oui, parce qu'elles ne méritent pas l'adoration. Les créatures ne méritent en rien l'adoration. Et sachant qu'Allah, c'est l'unique, le seul créateur, et qu'en dehors d'Allah, tout est créature, eh bien, l'adoration ne doit être vouée uniquement et exclusivement qu'à Allah seul. Donc, nous disons, comme Allah Azza wa Jal dit, il les a nommés divinités. On se rappelle, Sourate Al-Isra, verset 22-23. Dans la traduction du sens du verset, n'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te retrouveras méprisé, abandonné. Mais également, lorsqu'on, et subhanallah, on lit le verset 22 de Sourate Al-Isra, n'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et lorsqu'on lit le verset 23 qui suit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Yani n'adorer qu'Allah. Donc on voit déjà qu'Allah Azza wa Jal nous interdit, hein, n'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Et ensuite, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, yani n'adorer qu'Allah. Parce que le fait que tu assignes d'autres divinités à Allah, ça veut dire que tu adores d'autres en dehors d'Allah. D'accord? Ça veut dire que tu adores d'autres en dehors d'Allah. Parce que la divinité, c'est ce qui est adoré. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit n'adorer que lui, yani n'adorer qu'Allah. Et on voit également dans Sourate Al-Kahf, le verset 15, ce qu'Allah Azza wa Jal dit: هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا. Yani, ce qu'Allah Azza wa Jal dit concernant donc, ces jeunes donc dans Sourate la caverne qui ont fui leur peuple. Et dans la traduction du sens du verset, ceux de notre peuple ont adopté en dehors de lui, yani en dehors d'Allah, des divinités. Vous voyez, ils ont adopté en dehors d'Allah des divinités. Pourquoi? Parce qu'ils ont adorés sont mis à adorer et invoquer autre qu'Allah Azzawajal. Donc, Allah Azzawajal les a nommés divinités. Donc, lorsque tu dis La ilaha, ça ne veut pas dire que tu renies l'existence d'autres divinités en dehors d'Allah. Et ça, c'est une mauvaise compréhension, ça, de dire cela. Il n'y a de Dieu que Dieu, ce que disent les égarés de la secte des Ikhwan, et tous ceux qui les suivent, et tous les ignorants, il n'y a de Dieu que Dieu qui ne veut rien dire. Tu renies pas l'existence d'autres divinités dans La ilaha. C'est pas ça qui est voulu. Mais tu dois renier l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Tu dois renier l'adoration qui est vouée à ces autres divinités. Pourquoi? Et ce sont des divinités car les gens se sont mis à les adorer. Mais on dit que ce sont certes des divinités car les gens les adorent, mais ce sont des fausses divinités, car ce sont toutes des créatures. Et étant donné qu'Allah est le seul créateur, donc seul lui mérite l'adoration en toute vérité. Donc on comprend bien ici la ilaha, cette première partie-là, qui est la négation. Qui est la négation. Et illallah, donc la négation, premier pilier, donc cette attestation de foi a deux piliers, négation et affirmation. Premier pilier, c'est la négation, c'est-à-dire qu'on se désavoue, on refuse et renie toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Et illallah, excepté Allah, c'est l'affirmation. Eh bien, on affirme que l'adoration ne doit être vouée uniquement, exclusivement à Allah seul, sans associé. D'accord? Donc, la ilaha illallah, ce qui signifie nulle divinité n'est digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah. Donc là, on comprend maintenant ce que, dans le détail, le sens de la ilaha illallah. D'accord? La ilaha illallah, si on vous dit, eh bien, la ilaha illallah a deux piliers, la négation et l'affirmation. D'accord? Il faut se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On renie l'adoration à autre qu'Allah. Et on confirme et affirme que l'adoration ne doit être vouée exclusivement qu'à Allah seul. D'accord? وَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ Ce que dit le Cheikh Salih al-Sheikh, حَفِظَهُ اللَّهُ وَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِنَّ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فِيهَا نَفْيٌ وَفِيهَا إِثْبَاتٌ Donc c'est ce que je mentionnais. Il dit les gens de science disent que la parole du pur monothéisme, c'est-à-dire la ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah, eh bien il y a, dans cette attestation-là, il y a une négation et une affirmation. Donc la négation et l'affirmation, ce sont les deux piliers de la première attestation de foi. Donc on se rappelle, première attestation de foi a deux piliers. C'est la négation et l'affirmation. On renie l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah et on affirme que cette adoration-là ne doit être vouée qu'à Allah seul. Donc, on se rappelle là des deux piliers qu'il y a dans l'attestation de foi, la ilaha illallah, négation et affirmation. وَالنَّفْيُ فِيهِ الْبَرَاءَ مِنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا Et la négation, c'est le fait de se désavouer, il y a dans cela le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah le Très-Haut. وَمِنْ عِبَادَ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى Et de l'adoration donc qui est vouée à autre qu'Allah. لِأَنَّ عِبَادَ مَا سِوَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بَاطِلَة Il dit parce que l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah est fausse. L'adoration qui est vouée à autre qu'Allah est fausse. D'accord? On se rappelle de la parole d'Allah Azza wa Jal. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Ceci car Allah est le vrai et ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. D'accord? Donc là on comprend maintenant, avec ce verset-là, on comprend pourquoi l'adoration qui est vouée à autre qu'Allah est fausse et invalide. D'accord? Et que les divinités en dehors d'Allah, les divinités qui sont donc adorées en dehors d'Allah, sont fausses. Allah Azza wa Jalla a dit. Allah est le vrai, tandis que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah est le faux. Donc ce sont, on dit que, on affirme qu'il y a des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Certes, il y a des gens qui adorent d'autres choses en dehors d'Allah, les tombes, les awliya, les sidi, je sais pas quoi, yani subhanallah. Et toutes les... Donc on affirme cela, que ce sont des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais on dit, certes, ce sont des divinités car les gens les adorent, mais ce sont des fausses divinités. Ce sont des fausses divinités. Allah Azzawajal l'a dit, ce qui est adoré en dehors d'Allah est le faux. D'accord? Donc, on sait que ce qui est adoré en dehors d'Allah est le faux. D'accord? Barakallahu fikum. Wa ithbat al-ibadah lillahi jalla wa ala wahdahu subhanahu, ya'ni inzal al-ubudiyya al-haqq al-mustahiq fi wahid wa huwa Allah jalla wa ala. Et donc, le deuxième pilier qui est l'affirmation, on affirme que l'adoration ne doit être vouée qu'à Allah Azzawajal, le Très-Haut seul. C'est-à-dire que cette adoration-là, cette vraie adoration, le seul qui la mérite, c'est Allah Azzawajal. Le seul qui la mérite, c'est Allah Azzawajal. هذه هي ملة إبراهيم. Ceci est la religion d'Ibrahim. وهذه هي الحنيفية. Et cela est la Hanifiya. On se rappelle de ce que signifie la Hanifiya. C'est le culte qui est voué exclusivement à Allah seul, tout en se séparant, se désavouant et s'écartant de l'associationnisme. D'accord? Donc, c'est s'écarter de l'associationnisme et ne vouer l'adoration qu'à Allah seul, exclusivement. Et donc, le Cheikh Salha al-Cheikh Hafidhullah dit: وهي التي أمر الله دونك وهذه هي الحنيفية وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستمساك بها ثم أوحينا إليك نتبع ملة إبراهيم حنيفة فملة إبراهيم هي التوحيد. Donc c'est ce que dit le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah. Il dit, eh bien Allah Azza wa Jal, la religion d'Ibrahim qui est la Hanifiya, Allah Azza wa Jal a ordonné son prophète de s'accrocher à la religion d'Ibrahim. Et dans la traduction du sens du verset 123 de Sourate An-Nahl, ce qu'Allah Azza wa Jal dit, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah. D'accord? Donc la religion d'Ibrahim, c'est le tawhid. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَإِنَّ الْعِبَادَ لَا تُقْبَلْ إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ. Donc si tu comprends cela, l'adoration n'est acceptée qu'avec le pur monothéisme. وَذَلِكَ مِنْ مِثْلَ الطَّهَارَ لِلصَّلَاةِ. Et cela c'est comme les ablutions pour la prière. فَإِنَّ التَّوْحِيدِ شَرْطْ قَبُولَ الْعِبَادَ. Parce que le pur monothéisme est une condition de l'acceptation de l'adoration. Yani al-ikhlas, c'est-à-dire l'adoration que tu voues sincèrement à Allah Azzawajal, eh bien c'est une condition de l'acceptation de cette adoration-là qui est vouée. Wa tahara shartu sahhat as-salat. Et les ablutions sont une condition de la validité de la prière. فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا. Et donc il dit, le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, il dit là, donc le tout comme la prière n'est valide qu'avec les ablutions, eh bien c'est ainsi pour l'adoration. Aucune adoration n'est valide, excepté si l'individu est un pur monothéiste. D'accord? C'est-à-dire qu'il voue cette adoration-là exclusivement et seulement à Allah Azzawajal. Donc s'il fait cela, alors il a les conditions d'acceptation de son adoration. La première condition, d'accord? Étant donné que la deuxième, c'est le suivi de la sunna. Donc c'est ce qu'il dit le shir ici. Et il dit, « وَلَوْ كَانَ في جبهته أثر السجود وكان صائما في النهار قائما في الليل فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. Il dit donc cette adoration là qui n'est acceptée que du pur monothéiste, eh bien il dit même si l'individu, eh bien il jeûne le jour prie la nuit. Donc il se lève et il prie la nuit. La condition pour que ses œuvres soient acceptées par Allah Azzawajal, eh bien, il faut qu'il soit un pur monothéiste. C'est-à-dire que toute adoration qu'il fait ne doit être faite et vouée qu'à Allah Azzawajal seul. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Eh bien Allah Azza wa Jal dit, donc dans la traduction du sens du verset donc 65 et 66 de sourate Az-Zumar, il t'a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu associes quoi que ce soit, si tu m'associes quoi que ce soit, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras parmi les perdants. Adore Allah seul et sois des et fais partie et sois des reconnaissants. Donc tu sois de ceux qui sont reconnaissants vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Donc Allah Azzawajal a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que, et ainsi qu'à ceux qui l'ont précédé, que s'il associe quoi que ce soit, s'il donne des associés à Allah, eh bien toutes ses œuvres seront certes vaines. D'accord ? Donc on comprend bien que, et c'est pour cela ce qu'il va mentionner le shir par la suite, c'est que l'individu il prie, il se lève la nuit, et il jeûne le jour. Il fait beaucoup d'actes surérogatoires ou de prières surérogatoires. D'accord? D'actes d'adoration qui sont surérogatoires. Il en fait beaucoup. D'accord? Eh bien, toutes ces œuvres-là, toutes ces actes d'adoration-là, l'une des conditions pour que ce soit accepté par Allah Azzawajal, tout d'abord, il faut que toutes ces œuvres-là ne soient faites sincères, uniquement sincères, que pour Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'il ne recherche qu'Allah Azzawajal en faisant ces œuvres-là. Il ne veut qu'Allah Azzawajal, il ne les fait que sincèrement que pour Allah Azzawajal. Sinon, ce n'est pas accepté. Et sinon, les œuvres, donc, seront invalides. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي الْكُفَّارِ وَقَدِمْنَا إِلَّا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah Azzawajal dit sur les mécréants, nous avons, dans la traduction du sens du verset 23 de Sourate Al-Furqan, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. D'accord ? Donc ils ont fait beaucoup d'œuvres, on les voit, ils aident les pauvres, etc., etc. Donc il ne faut pas être leurré par les œuvres d'un individu. C'est ça qui est voulu, hein. Donc parce que le shir, Hafidhullah mentionne, faut pas qu'on soit trompé des œuvres qu'un individu fait. D'accord? Il peut faire énormément d'œuvres, mais s'il n'est pas un pur monothéiste, eh bien, toutes les œuvres qu'il aura faites seraient vaines. D'accord? Il ne faut pas se tromper aussi vis-à-vis des kofars, vis-à-vis des mécréants, jusqu'à ce que certains disent des paroles de kofr qui invalident leur islam, en disant qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que Mère Teresa et l'abbé Pierre, eh bien, sont en enfer. Subhanallah. Et ils n'ont pas accepté l'islam. Eh bien, Allah Azza wa Jal dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Ça veut dire quoi qu'ils auraient fait comme œuvre, ça ne sert à rien. Parce qu'Allah Azza wa Jal n'accepte que l'islam comme religion. Allah Azza wa Jal dit, inna ad-din 'inda Allah al-islam. La religion d'Allah, c'est l'islam. Et dans l'autre verset, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera le jour de la résurrection parmi les perdants. D'accord ? Donc il ne faut pas se faire leurrer de par les œuvres que peut faire un individu. D'accord ? Si un individu se lève la nuit et fait le siyam, etc., etc., fait beaucoup d'œuvres surérogatoires, mais il tombe dans de l'ostentation qui est de l'associationnisme mineur, c'est-à-dire que par exemple il se lève la nuit, et au fond de lui il se dit, si Si seulement quelqu'un pouvait voir, ou bien je vais allumer la lumière de ma chambre pour que les gens, lorsqu'ils passent, ils se disent, ah, il doit prier la nuit, ou etc. Ou il souhaiterait que les gens. Et tout ça, c'est au fond de lui, vous voyez, subhanallah, comment un individu peut tomber dans de l'associationnisme là qui est mineur. D'accord? L'ostentation. Et l'associationnisme mineur invalide l'œuvre de l'individu. Tandis que l'associationnisme majeur invalide toutes les œuvres. D'accord? Mais l'associationnisme mineur invalide l'œuvre en question. C'est-à-dire que l'individu, il prie la nuit, il se lève la nuit, il prie la nuit, mais au fond de lui, il se dit qu'il aimerait que il va allumer la lumière, par exemple, pour se dire que les gens. Il espère que les gens le voient en train de faire, et ils se disent qu'il doit prier la nuit. Ou bien il souhaiterait que quelqu'un le regarde. Vous voyez comment ton couahd, il peut tomber, a'oudou billah, dans de l'ostentation. Donc, l'œuvre n'est acceptée que lorsqu'elle est faite sincère pour Allah Azzawajal seul. Fa'adhim al-ibada wa kathrat al-ibada idha lam takun ma'a al-ikhlas fa'innaha ghayru maqboula. Donc le Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah, il dit, donc les grandes adorations et le nombre d'adorations, si elles ne sont pas faites avec la sincérité, eh bien, rien n'est accepté. Elles ne sont pas acceptées. Kama anna ar-rajul yusalli salat 'azima yutilu fiha al-qiyam wa yutilu fiha ar-ruku' wa yutilu fiha as-sujud. ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير طهارة سبحان الله d'accord هذه صلاة غير مقبولة بالإجماع. Donc il dit ici, il donne donc l'exemple, on se rappelle hein, dans le texte des quatre règles, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimallah dit, lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache alors que l'adoration ne porte ce nom que si elle est monothéiste, tout comme, donc là, la partie de ce que le Cheikh avait dit, a dit, Hafidhullah, c'est que, c'est pour expliquer ici cette partie-là dans le texte, tout comme la prière ne porte ce nom que si elle est pratiquée en état de pureté. D'accord? Donc, en effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme l'impureté corrompt la purification. Alors voyez ce qu'il dit, il dit le cheikh ici, dans l'explication de cette partie-là du texte, il dit, eh bien, les grandes adorations et le nombre d'adorations qu'un individu fait, eh bien, si elles ne sont pas faites avec sincérité, c'est-à-dire vouées uniquement, exclusivement à Allah seul, eh bien, ce n'est pas accepté par Allah Azzawajal. Là, il donne l'exemple, il dit comme l'homme qu'il prie, une énorme prière. En comment il fait une grande prière, c'est-à-dire qu'il en lui donnant énormément d'importance, yani. Eh bien, il yutilu fiha al-qiyam, c'est-à-dire qu'il reste longtemps en position debout, c'est-à-dire il récite énormément, d'accord? Wa yutilu fiha ar-ruku', et il reste longtemps en position, hein, il reste longtemps en position d'inclinaison lorsqu'il descend au ruku', il a un ruku' qui est très long. Et il reste très longtemps en position de prosternation. D'accord? C'est-à-dire la tête et le nez au sol, là, qui touchent le sol. Et il essaie de la faire de la meilleure des façons possibles. C'est-à-dire en la rendant de la meilleure des façons possibles. Cependant, vous voyez, malgré qu'il a fait tout cela. D'accord? Cependant, il est rentré dans cette prière-là, dans laquelle il a essayé de la faire de la façon la meilleure possible, avec yani, en prenant vraiment tout son temps, récitant longuement, faisant de longs recours, de longues inclinaisons, de longues prosternations. Cependant, cet homme-là est rentré dans cette prière-là sans avoir les ablutions. Sans avoir les ablutions. D'accord? Eh bien, cette prière-là, de par le consensus, elle n'est pas acceptée. Car les ablutions sont une condition de la validité de la prière. Comme cela a été confirmé dans les hadiths authentiques. Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, la yaqbalu Allah salat ahadikum. Allah n'accepte la prière de personne d'entre vous. Idha ahdatha hatta yatawadda. S'il perd ses ablutions, si l'un d'entre vous. Donc Allah n'accepte pas la prière de vous si vous avez perdu les ablutions jusqu'à ce que eh bien, vous les faites. Hatta yatawadda. Et là, il faut refaire les ablutions et refaire la salette. Donc Allah n'accepte pas la prière de celui, de l'un d'entre vous. Yani qui a perdu ses ablutions jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. D'accord? Et dans une autre narration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salat illa bituhur. Wa hadha shart muttafaqun alayh. » C'est ce que dit le cheikh Salih al-Sheikh Hafidhullah. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une autre narration « Pas de prière excepté en état d'ablution. » Et ensuite, le shir dit, eh bien, cela est là, est une condition, les ablutions sont une condition de la prière, et cela, il y a un consensus sur cela, c'est unanime. Les gens de science sont unanimes sur cela, que la prière n'est valide qu'en état d'ablution. Donc, on comprend ici l'explication ici de cette partie-là des quatre règles, tout comme l'impureté corrompt la purification. L'impureté corrompt la purification. Si quelqu'un a perdu ses ablutions, il n'est plus en état d'ablution. Donc s'il n'est plus en état d'ablution et qu'il fait toute cette œuvre-là qui est la prière en la faisant de la meilleure des façons possibles, cependant, il a perdu ses ablutions ou il n'a pas ses ablutions, eh bien ce n'est pas accepté de lui, cette prière-là est invalide. D'accord? Ça c'est pour donner cet exemple-là pour qu'on comprenne ce qui est dit. Lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme l'impureté corrompt la purification. C'est-à-dire que un individu fait des œuvres pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais son intention n'est pas pour l'avouer exclusivement à Allah Azza wa Jal, eh bien, cette œuvre-là qu'il a faite, même s'il a fait énormément d'adoration, il y a passé du temps, ce n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Ça doit être voué exclusivement à Allah Azza wa Jal. D'accord? Mais si un individu fait le hajj, fait ses prières quotidiennes, fait jeûne, donne la zakat, fait le jeûne du mois de Ramadan, fait des jeûnes surérogatoires, aide les pauvres, etc., fait le bien, etc., interdit le blâmable, cependant, il invoque ou adore autre qu'Allah, ou craint un mort comme on craint Allah, etc., eh bien, toutes les œuvres qu'il a faites sont invalides et ne sont pas acceptées. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a fait rentrer, de l'associationnisme majeur qui invalide tout. D'accord? Ensuite, le Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhullah dit: وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة. وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة. Il dit la condition de la sincérité et du pur monothéisme afin que l'acte d'adoration soit accepté est plus important que la condition de la purification pour l'acceptation de la salette. Il dit pourquoi ? Il dit « لأنه إذا صلى محدثا متعمدا فإن في تكفيره خلافا بين أهل العلم » Il dit, parce que si un individu fait la prière, alors qu'il n'a pas les ablutions, mais il fait donc cette prière-là sans avoir les ablutions, et il fait cela de façon délibérée, eh bien, sur le fait qu'il devienne un mécréant, il y a une divergence selon les gens de science, de façon qu'il fait la prière sans les ablutions de façon délibérée. D'accord? Il y a une divergence entre les gens de science. Wa amma idha abada Allah mushrikan fa innahu bil ijma' laysa maqbul al-ibada. Tandis que s'il adore Allah tout en étant un associateur, c'est-à-dire qu'il va invoquer ou adorer autre qu'Allah. Donc il fait ses prières, par exemple, ses prières quotidiennes, mais cependant il va, je sais pas moi, il va au niveau des ce qu'ils appellent les awliya, les sidi, et il va les invoquer en dehors d'Allah. D'accord? Donc, s'il adore Allah tout en étant un polythéiste, un associateur, فَإِنَّهُ بِالْإِجْمَعِ لَيْسَ مَقْبُولَ الْعِبَادَ. Et eh bien, selon le consensus, il n'y a pas de divergence ici selon yani des savants. Hein. Vous voyez pourquoi il dit yani la condition de la sincérité et du pur monothéisme pour que l'œuvre soit acceptée est plus importante que la condition de la purification pour que la salat soit acceptée. Si quelqu'un y fait une prière et délibérément il la fait sans ablution, il y a une divergence des savants sur le fait qu'il devienne mécréant. Tandis que celui qui est polythéiste, qui adore autre qu'Allah, ou bien, il ne va pas adorer autre qu'Allah, mais ce qu'il y a, c'est qu'il va faire un acte d'adoration, pas pour Allah seul, mais pour que les gens disent de lui. Par exemple, il va améliorer sa salat, etc. D'accord? Dans les deux cas ici, il a associé à Allah Azzawajal. Dans le premier cas, il a fait de l'associationnisme majeur en invoquant ou adorant autre qu'Allah, mais il fait aussi ses prières quotidiennes. Eh bien, tout cela, toutes les œuvres qu'il fait sont invalides. Et dans le deuxième cas, il fait de l'associationnisme mineur qui n'exclut pas de l'islam celui-ci, tandis que le premier exclut de l'islam. L'associationnisme mineur, comme l'ostentation, c'est-à-dire le riya, il va améliorer sa prière parce que les frères le regardent, etc. Et donc il espère que voilà, les frères viennent le voir en lui disant tu fais une très bonne salette, etc., etc. Donc il n'a pas fait sincère pour Allah Azzawajal. Dans les deux cas, l'acte d'adoration est invalide. Dans le premier cas, l'associationnisme majeur, toutes les œuvres sont invalides. Et dans le deuxième cas, c'est l'œuvre en question qu'il est en train de faire pour plaire aux gens, etc. C'est cette œuvre-là qui est invalide. D'accord? Eh bien, selon l'unanimité, le consensus des savants, d'accord? Eh bien, l'acte d'adoration n'est pas accepté. Donc, selon l'unanimité des savants, c'est un mécréant s'il est un polythéiste, c'est-à-dire qu'il invoque et adore autre qu'Allah, et il fait, eh bien, il fait sa salat, et il donne la zakat, et il fait le jeûne du mois de Ramadan, mais cependant, il va invoquer ou adorer autre qu'Allah. Selon le consensus, l'adoration qu'il fait, elle est invalide, elle n'est pas acceptée. Malgré qu'il fait ses cinq prières, malgré qu'il fait du qiyam l'il, qu'il fait le hajj et tout cela. Ce n'est pas accepté, selon le consensus. Pourquoi? Parce qu'il invoque et adore autre qu'Allah. Et selon le consensus, c'est un kafir, c'est un mécréant. D'accord? لِأَنَّهُ أَشْرَكَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ الَّذِي لَا يُقْبَلْ مَعَهُ عَمَلٌ. Pourquoi? Parce qu'il a associé à Allah, en pratiquant de l'associationnisme majeur, d'accord? Et en pratiquant cet associationnisme majeur-là, aucune œuvre n'est acceptée par Allah Azza wa Jal. إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح. Donc lorsqu'on comprend bien cela et que c'est bien compris, eh bien cela fait que l'individu se met à avoir à avoir peur et à être content. يخاف من الشرك وأن يكون من أهله. Il a peur de l'associationnisme, il a peur du polythéisme et il a peur de faire partie de ces gens-là, c'est-à-dire il a peur de tomber dans cela, il a peur de pratiquer cela, il a peur d'en faire partie de ces gens-là. Et il est content qu'Allah Azzawajal a fait de lui qu'il soit parmi les gens du pur monothéisme. Donc, il a peur de l'associationnisme, il a peur de tomber dedans. Mais il est content qu'Allah Azzawajal a fait de lui qu'il fasse partie des gens du pur monothéisme. وَفَرَحُهُ بِأَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ يُوجِبُ شُكْرَ ذَلِكَ وَالْمُحَافَظَ عَلَيْهِ. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. Et le fait qu'il soit content qu'Allah Azza wa Jal a fait de lui qu'il fasse partie des purs monothéistes, eh bien, il lui incombe donc eh bien, de remercier Allah Azza wa Jal, d'être reconnaissant à Allah Azza wa Jal et de préserver cela. وخوفه وهربه من أن يكون من أهل الشرك أو أن يأتيه بعض الشرك يجعله دائما الحذر. Eh bien, il dit, et le fait qu'il a peur, et le fait qu'il fuit du fait d'être, donc il a peur d'être, de faire partie des gens de l'associationnisme ou du polythéisme, d'accord? Ou bien du fait qu'il a peur que de l'associationnisme, eh bien, corrompt, eh bien, déteint, yani, se mélange aux œuvres qu'il fait, d'accord? Eh bien, le fait qu'il a peur de tout cela fait que il reste constamment en attention et en mise en garde, il fait attention, il se met en garde de cela, d'accord? أن يعتري عبادته أو عقيدته أو أقواله شيئا من الشركيات. Donc, il fait toujours attention que sa croyance, ses adorations, sa croyance ou ses paroles ne soient mélangées ou corrompues à de l'associationnisme. D'accord? Donc, il est content qu'Allah Azza wa Jal fait de lui qu'il fait partie des gens du tawhid, du pur monothéisme. Donc, il est reconnaissant et il remercie Allah Azza wa Jal pour cela et il préserve cela. Et le fait qu'il a peur de tomber, donc, de faire partie des gens de l'associationnisme, ou bien que l'associationnisme se mélange à l'adoration qu'il fait, eh bien fait que il est tout le temps, il fait toujours attention, il renouvelle constamment son intention qu'elle n'est faite que pour Allah, et il fait attention que son adoration, sa croyance ou ses paroles, il fait attention que tout cela ne soit pas mélangé ou ne contienne pas de l'associationnisme, ne soit pas mélangé à de l'associationnisme, à du polythéisme, d'accord? Donc que ce soit l'adoration, eh bien, qu'il la fait uniquement pour Allah Azza wa Jal, d'accord? Et qu'il ne la fait pas pour autre qu'Allah. Que ce soit sa croyance, eh bien qu'il s'assure d'avoir la croyance correcte, mais cela provient avec la science. La croyance, il s'assure de bien comprendre la ilaha illallah, il s'assure de bien comprendre les conditions d'acceptation des œuvres, il s'assure de bien comprendre la deuxième attestation de foi, wa anna Muhammad Rasulallah. Il s'assure de bien comprendre sa aqida concernant le pur monothéisme d'Allah, la foi en Allah qui inclut donc l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs et dans l'adoration. Qu'il comprend bien cela, qu'il comprend dans le détail ce qu'est l'associationnisme et le polythéisme. Parce qu'on ne connaît une chose que si l'on connaît son contraire. D'accord? Si on ne connaît pas le contraire d'une chose, eh bien on ne connaît pas la chose qu'on prétend connaître. D'accord? Et dans ses paroles, il fait attention qu'il ne jure pas par autre qu'Allah, ou qu'il se met à invoquer autre qu'Allah. D'accord? Ou qu'il se met à dire des choses qui font partie du polythéisme. D'accord? Si ce n'est Allah et toi, ou bien sur la tête de ma mère, ou sur la tête de je sais pas quoi, tout ça, juré par autre qu'Allah, donc fait partie eh bien, du polythéisme, de l'associationnisme, d'accord? Et donc, comme il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attention que ses adorations, sa croyance, ses paroles ne contiennent pas du shirk, de l'associationnisme, d'accord? لِيَنَّ الشِّرْكِيَاتِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ فَإِنَّهَا مُحْبِطًا لِلْعَمَلِ وَإِذَا كَانَتْ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ فَإِنَّهَا أَعْظَمْ مِنَ الْبِدَعِ وَالْمَعَاسِ الْمُخْتَلِفَ يَعْنِي مِنْ حَيْثُ الْجِنْسِ وهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجي يعني الخائف الفرح بالتوحيد الخائف من الشرك يجعله يطلب هذه القواعد التي تجعله في يقين من أمره. Donc il dit, le Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah, il dit parce que les associationnismes, les types de polythéisme, s'ils font partie de l'associationnisme majeur, eh bien, cela invalide toutes les œuvres, d'accord? Et cela fait partie de l'associationnisme mineur, eh bien, cela, c'est pire que l'innovation. C'est pire que l'innovation, d'accord? Parce que c'est pas lorsqu'on entend mineur, ça veut dire que c'est moindre, d'accord? Certes, c'est moindre en termes d'associationnisme comparé au majeur, mais c'est pas, ça veut dire que c'est rien. Non, la mécréance mineure, l'associationnisme mineur, l'égarement mineur, lorsqu'on entend mineur, ça veut pas dire que c'est quelque chose de rien. Non, ça fait partie des péchés majeurs, d'accord? Donc l'associationnisme mineur, c'est pire que l'innovation religieuse. Et c'est pire que les différents types de péchés. Donc, il a peur de l'associationnisme, il a peur du polythéisme. Eh bien, cela le mène à étudier donc à étudier ces règles-là qui le feront qu'il comprendra avec conviction donc, et certitude, d'accord, ce quoi il s'avance. C'est-à-dire que s'il va dire quelque chose, il va comprendre parfaitement sur quoi se tiennent les associateurs et les polythéistes. Il l'a bien compris, donc il va s'en écarter, il va s'en désavouer. Et il comprend la croyance des musulmans, des sahaba, radiallahu anhum ajma'in. D'accord? Eh bien, il va s'y cramponner et s'y attacher. Il va savoir quelle est la voie des croyants, il va la suivre, et il va savoir quelle est la voie des criminels, des associateurs et des égarés, il va s'en écarter. D'accord? Wa at-tawhid wa ash-shirk fi da'wat al-imam al-muslih rahimahullah liman ta'ammalahu qad yakun ma'ahu shay'an min at-taraddud aw ash-shak fi sihhati ma ja'a bihi ash-shaykh min jihat taqrir al-masail. Donc il dit ici le shirk que, eh bien, concernant le monothéisme et l'associationnisme, dans la da'wa, dans l'invitation, dans l'appel de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimallah, eh bien, celui qui étudie cela, il se peut que quelqu'un qui ne comprend pas tout et qui lit, il a une certaine réticence, d'accord, ou bien un certain doute concernant la validité de ce qui est venu avec l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab dans la da'wa qu'il a faite et dans les livrets qu'il a écrits, d'accord. Le fait qu'il lise cela, pourquoi en fait, il va expliquer pourquoi. Il y en a pourquoi ils peuvent avoir ce doute-là. Ils se disent, mais attends, alors il dit quoi? Il dit que ce soit du point de vue dans les questions qui sont traitées ou sur le jugement des gens du polythéisme. D'accord? Il dit parce que parce que, eh bien, c'est énorme quand même. Certains peuvent avoir des réticences. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, comment se fait-il que quelqu'un dise La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, wa yusalli, wa yuzakki, wa yasoum, ويحج ويتعبد ويكون من أهل العبادات العظيمة ومن أهل الصلاح كما يقول الناس ثم يقال إن عمله الذي عمله من الشركيات أو لما لم يكفر بالطاغوت يجعل عمله هذا كلا شيء هذه عظيمة وكيف تستقر في النفوس. Donc il dit, il peut y avoir des réticences de certaines personnes sur le fait qu'ils se disent, mais attends, comment se fait-il que quelqu'un qui dit « La ilaha illallah » et « Muhammad Rasulallah » et qu'il prie, et qu'il donne la zakat, et qu'il jeûne, et qu'il fait le pèlerinage, et donc il fait les actes d'adoration, et qu'il fait partie donc de ces gens-là qui font d'énormes actes d'adoration, et qu'il fait partie selon ce que pensent les gens, et bien cet individu-là qui fait tout ça, il fait partie des gens du bien. Puis, il est dit sur ce genre d'individu, eh bien, que les œuvres qu'il fait partie des œuvres, eh bien, dans lesquelles il y a de l'associationnisme, du polythéisme. Ou bien sur le fait qu'il ne se désavoue pas et qu'il ne mécroit pas au Tarout, eh bien, que toutes ses œuvres sont invalides. Donc, il dit, il se peut donc qu'il y a des gens qui ont des réticences sur cela. Ils se disent, attends, mais quand même, il fait toutes ces œuvres d'adoration-là, et après, on dit de lui que c'est un polythéisme parce qu'il ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ou bien parce que, Eh bien, il y a des œuvres qui contiennent des actes, du polythéisme, et donc on dit que ce n'est pas accepté. Donc les gens, en général, ils ont du mal à accepter cela. Ils se disent, attends, il dit là, il est Allah, il prie, et toi tu dis que, rien n'est accepté. Pourquoi? Parce qu'il va le voir ainsi dit de je sais pas quoi, subhanallah, et qu'il l'invoque en dehors d'Allah. Donc eux, ils ont du mal ça, même au bled. Hein. Tu parles avec des gens qui font la prière, que tu les vois, ils font très attention à préserver l'heure de la prière. Ils prient, ils jeûnent, ils font tout cela. Subhanallah. Et quand tu commences à poser des questions et à voir comme cela, tu t'en rends compte que ce sont des gens qui chaque année se doivent d'aller visiter un sidi qui est dans une montagne, dans un mausolée, je sais pas quoi, et ils sont obligés d'aller le voir et de l'invoquer en dehors d'Allah et lui ramener un couscous avec je sais pas quoi, parce que sinon, s'ils ne font pas ça chaque année, eh bien, ce wali-là qui est mort là, cet individu-là qui est mort, on ne sait pas si c'est un wali, Allahu a'lam. Eh bien, ils risqueraient de leur apporter un malheur. Vous voyez, subhanallah. Donc, pour eux, c'est inimaginable que quelqu'un qui prie et que tout cela, eh bien, tombe dans le shirk. D'accord? فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتعبدون العبادات العظيمة وهم واقعون في الشرك. Eh bien, selon les gens, en fait, selon l'opinion des gens, selon ce que les gens voient, eh bien, ils ont du mal à accepter cela. Ils ont du mal à accepter cela. Ils se disent, comment se fait-il qu'un individu qui fait tous ces actes d'adoration-là, eh bien, c'est un polythéiste. Cependant, il fait ces actes d'adoration-là alors qu'il est plongé et trempé dans le polythéisme. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc c'est pour cela. Donc les gens, rubbama ta'azzama ba'd an-nas an yakunu min al-mushrikin. Les gens considèrent que ça c'est. Attends, mais c'est énorme ce qu'il dit. C'est quand même cet individu-là qui fait toutes ces heures. Inch'Allah, bi'idhnillah, s'il y a des questions, Inch'Allah, on pourra y répondre, bi'idhnillah, à la fin du cours. Mais les questions seulement sur le cours, barakallahu fikoum. Yani, je ne donne ni de fatwa, ni de fatwa, je ne fais ni de fatwa, ni de questions personnelles, ou quoi, je ne réponds pas à ce genre de questions, mais juste les questions de cours, barakallahu fikoum. Inch'Allah, pour pas sortir du sujet, et il suffit juste d'écrire la question, je lirai la question à la fin du cours et Inch'Allah, j'y répondrai bi'idhnillah. D'accord? Barakallahu fikoum pour ta compréhension. Donc il dit, le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, il dit, eh bien, un individu, les gens, ce que les gens de la yani, ce que les gens. Peuvent voir de cela, c'est qu'ils se disent, mais c'est quand même énorme quand même de dire qu'un individu qui fait toutes ces œuvres-là, eh bien, yani, rien n'est accepté. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas que cet individu-là est trempé dans l'associationnisme. Ces règles-là, là, qu'on étudie et que l'on va étudier, Inch'Allah, il dit, eh bien, elles vont clarifier cela. Elles vont bien expliquer cela. وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق. Pourquoi en fait il y a des gens qui ont du mal à accepter cela ou bien qui ont des difficultés à accepter cela lorsqu'ils voient quelqu'un qui fait d'énormes actes d'adoration, ils ne peuvent pas. Il refuse d'accepter que tel individu est tombé dans de l'associationnisme et que rien n'est accepté de lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu, en fait le cas selon le droit d'Allah. Mais en fait, ce qui a fait que ces individus-là ont de la répulsion ou ont un doute vis-à-vis du jugement de celui qui est associé à Allah, etc. C'est parce qu'ils ont vu selon le droit de la créature. Ils ont vu selon le droit de l'individu, la créature. Ils ont vu que lui fait tout cela, donc ce n'est pas possible que. Vous voyez, ils n'ont pas jugé selon le droit d'Allah. Donc si tu juges selon le droit d'Allah, tu sais ce qui incombe à chaque musulman de vouer l'adoration qu'à Allah seul. D'accord? Lorsque tu le vois selon le droit d'Allah, et que tu te dois de te désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, lorsque tu vois selon le droit d'Allah, tu comprends cela. Mais le problème, c'est que les gens en général, ils ne voient pas selon, ils ne jugent pas selon le droit d'Allah. Mais ils voient, ils regardent le droit de cet individu-là en question. Et ils sont impressionnés par le nombre d'adorations qu'il fait. D'accord ? Il a waqi' al-makhlouq. Donc il regarde sur la réalité de ce de cette créature-là, de cet individu-là. Il a waqi' al-makhlouq. ولكن لو نظروا الى حق الله جل وعلا الذي خلق الانسان فسواه وعدله والذي خلق السماوات على هذا النحو العجيب وهذه الارض واقام الدلائل على وحدانيته بربوبيته وجعل ذلك في النفس وفي الافاق وفيما حوله يجعل انه لا حجه لمشرك على الله جل وعلا. Donc, mais celui qui regarde du point de vue du droit d'Allah Azzawajal, il sait que Allah Azzawajal, c'est lui l'unique et le seul qui a tout créé, qui a créé l'individu, qui a créé les cieux, comme on les voit. Et subhanallah, yani comment, avec les nuages, avec tout cela, avec les cieux, subhanallah, et puis, yani, qui tiennent sans piliers. Qu'il a créé les terres, qui a montré donc toutes les preuves de son unicité dans la seigneurie, d'accord ? De son unicité dans la seigneurie, c'est-à-dire dans la seigneurie, lorsqu'on dit dans la seigneurie, c'est-à-dire que c'est le seul créateur, le seul qui pourvoit, le seul qui donne, etc. D'accord ? Toutes les preuves sont là. Il suffit de regarder, subhanallah, comme ça, dehors. Et tout. Vous voyez les nuages ? Les nuages, c'est quoi les nuages ? Barakallahu fi, comme c'est de l'eau qui est en suspension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à contenir de l'eau en suspension ? Tu ne peux pas. Soit c'est de l'eau liquide, ou soit elle est sous forme de vapeur. Mais les nuages, ce sont de l'eau en suspension. Et lorsqu'Allah Azzawajal a décrété eh bien, qu'il pleuvra, eh bien, Allah Azzawajal fait que il fait que les vents poussent ces nuages-là pour aller dans un endroit et que de ces nuages-là, il fait tomber l'eau. Subhanallah. Et le seul qui est capable de tout cela, c'est Allah Azzawajal. Donc toutes les preuves sur cela, seul Allah Azzawajal peut faire tout cela. D'accord ? Lorsqu'on regarde du droit d'Allah Azzawajal, d'accord ? Il n'y a donc aucune preuve pour le polythéiste, l'associateur. D'accord ? Vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. ولكن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل رحمة لإقامة الحجة ولإعلان النذر. Donc, mais Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers pour mettre la preuve, donc pour apporter la preuve aux gens, et puis pour les avertir, pour leur annoncer la bonne nouvelle du paradis et les avertir de yani du châtiment de ceux qui s'opposeraient et puis de la destinée de ceux qui s'opposeraient à Allah Azza wa Jal, qui refuseraient d'adorer Allah seul sans rien lui associer et qui mourraient sur cela. D'accord ? Donc, il annonce la bonne nouvelle de ceux qui suivent le dernier prophète et envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui unifient Allah Azza wa Jal dans leur adoration, la bonne nouvelle leur est apportée. Il leur apporte toutes les preuves. L'envoi des prophètes et envoyés d'Allah Azza wa Jal, eh bien, Allah Azza wa Jal fait que, ça y est, toutes les preuves sont arrivées aux gens. Aux gens maintenant, subhanallah. Depuis l'arrivée du dernier prophète et envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, il n'y a plus d'excuses pour les gens. Toutes les preuves ont été apportées. Et même l'individu, il n'a pas d'excuse sur le fait que il dit « Ah ben non, je savais pas que l'associationnisme yani était interdit ou bien que invalider toutes les œuvres et tout cela. » Il n'a pas d'excuse sur cela. Parce que yani barakallahu fik, parce que il peut être excusé s'il ignore une question de fiqh. Je sais pas, moi, c'est il ignorait telle question de fiqh dans une chose dernière parmi les branches de l'islam. D'accord ? Naam, exactement. Même ceux qui s'affilient à l'islam, exactement. Yani, il peut être excusé parce qu'il ignore une messe à la de faire qu'une question de faire concernant les branches de l'islam. Mais concernant l'usul, concernant les fondements de l'islam, personne n'a d'excuse auprès d'Allah Azzawajal. Le Cheikh Salah Al-Fawzen, Hafidhullah, on va terminer sur ce point-là, Inch'Allah. Comme ça, la semaine prochaine, Bidnillah, on va commencer la première règle des quatre règles, Bidnillah. Donc, le Cheikh Salah Al-Fawzen, Hafidhullah, a expliqué que Allah Azzawajal a envoyé le prophète Mohammed sallallahu. Il a dit, eh bien, le Coran est là, il est présent dans les mosquées. N'importe quel musulman, n'importe quel individu peut prendre le Coran et lire. Et lire que, eh bien, Allah nous a créés pour qu'on l'adore. Et qu'il est interdit de lui associer quoi que ce soit. Et que celui qui associe quoi que ce soit à Allah, toutes ses œuvres seront invalides. On a mentionné précédemment les versets, les paroles d'Allah Azzawajal. Tout est clair. Tout est clair vis-à-vis des fondements. Les musulmans ainsi que les kofars n'ont aucune excuse. Plus précisément, les musulmans n'ont aucune excuse vis-à-vis des fondements de l'islam. Subhanallah. Ils ne peuvent pas dire qu'il est musulman, il fait ses prières et il ne sait même pas le droit d'Allah Azzawajal. Et il ne sait même pas ce que signifie la ilaha illallah, il ne sait même pas ce que signifie wa anna Muhammad Rasulallah. Donc, il incombe à chaque musulman de rechercher la science, qui est authentique, bien sûr, basée sur le Coran et la Sunna. Et en plus, on est obligé de rajouter que tu ne comprends le Coran et la Sunna uniquement selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce que si tu prends un verset ou un hadith et que tu essaies de l'expliquer à ta façon ou selon ta raison, tu vas tomber dans l'égarement de tous les mubtadi'a, les innovateurs, qui utilisent des preuves et qui ne comprennent pas la preuve. Donc la science, ce n'est pas le fait d'apporter une preuve, mais c'est de comprendre la preuve que l'on apporte. Et on la comprend comment? Eh bien par l'explication des sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, qui ont transmis du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, barakallahu fikum, toutes les preuves ont été apportées aux gens, et il n'y a aucune excuse pour les gens. D'accord? Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit, rechercher la science est une obligation pour chaque musulman. Une obligation. Ça veut dire que celui qui ne recherche pas la science, et les ulémas ont dit que celui qui délibérément refuse de rechercher la science, cela fait partie des annulatifs de l'islam. A'oudhou billah, qu'Allah nous en préserve. Donc, il incombe à chaque musulman de comprendre sa religion afin d'appliquer et d'adorer Allah Azzawajal comme il se doit. Jazakallahu khair. Donc, on a donc terminé ainsi l'introduction des quatre règles. D'accord? On a terminé donc l'introduction des quatre règles. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah, mercredi, donc prochain, bi'idhnillah, inshallah, eh bien, on continuera en expliquant, on va débuter avec la première règle. جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك